C'est comme l'immortalisation de la conscience. Ça, c'est pas pareil, dans le sens que c'est pas l'ego qui va survivre, là. C'est de la conscience qui va survivre, mais c'est pas égoïque. Donc, c'est pour Oui. ça, des fois, il y a du monde qui sont bien surpris. Ils rentrent en communication avec des gens décédés ou qui sont dans le coma, puis qu'ils viennent à bout de les voir dans un état second, puis de parler avec. Ou... La personne est complètement différente de quelqu'un d'autre. Parce que justement, il y a une différence entre la vie de l'âme, la vie de l'ego, puis la conscience. C'est pour ça que c'est arrivé, des gens décédés, puis après, du monde reprenait contact avec, puis ils se rendaient compte que c'était complètement quelqu'un d'autre. Tu sais, ça, c'est des phénomènes difficiles à comprendre si on pense que c'est l'ego qui se réincarne.